son nom, Dieu parmi les hommes, oui, il règne à jamais et pour l'éternité. Alpha et Omega, le commencement et la fin. Le commencement et la fin.